Bonjour, bonsoir, cela ne dépend de votre lieu d'écoute. Bienvenue dans l'émission Forum Jeune sur Isanganiro. Ce vendredi de cette semaine, nous allons commémorer le 23e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Ce président, élu démocratiquement en 1993, a été plus tard érigé au titre de héros national de l'indépendance. Aujourd'hui, ses idéaux sont encore à la une, notamment les bonnes pratiques de la gestion de la chose publique, la volonté d'éradiquer le chômage et la culture de l'amour du travail. Après sa mort, le Burundi reste plongé dans des crises politico-sécuritaires où les jeunes sont les premières victimes. Certains se demanderont à quoi servent aujourd'hui les idées de grandes personnalités comme le prince Louis Gwagasore ou le président Melchior Ndadaye pour les jeunes d'aujourd'hui. Et pour en parler dans Forum Jeunes, nous avons invité M. Georges Nikiza, membre du parti politique et proche des idées de Melchior Ndadaye. Bonjour et bienvenue dans cette émission Forum Jeunes. Bonjour, monsieur Pacifique, qui est le Sanguino d'Adieu et Sanganiro, qui a choisi de m'inviter dans son forum. Voilà, je vous ai invité parce que vous avez été très longtemps et jusqu'à aujourd'hui toujours fidèle aux idéaux du président Melchior Ndadaye. Et là, nous espérons que vous nous en direz plus dans cette émission. Je vous rappelle au micro que c'est Pacifique Chouaïro. La mise en onde est assurée par Emetose Mitevotsi. Encore une fois, bienvenue à tous. Voilà, M. Georges, après 23 ans d'assassinat de Melchior Ndadaye, brièvement, qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui peuvent retenir de Melchior Ndadaye? Vraisemblablement, Melchior Ndadaye a été érigé comme l'héros national de la démocratie. Et semblablement que pour décrocher son titre, il a rassemblé derrière lui des jeunes, des vieillards, des Burundais, et tous ont compris son idéologie. Et puis, il a gagné les élections. Malheureusement, il a été assassiné de la manière dont tout le monde connaît. En fait, je ne peux pas aller directement sur la question sans toutefois se rappeler aux gens et aux Burundais qui nous écoutent les lignes directrices de ces idées. D'abord, ce que je me souviens de ce qu'il disait, il plaçait l'homme au centre de toutes les préoccupations. Donc, c'était sa philosophie. Mm-hmm. C'était un social-démocrate où l'homme devrait se placer au milieu de toutes les préoccupations, que ce soit national, international, et partout où il est. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en politique? Dans la vie courante, on peut comprendre, mais en politique, ça risque d'être compliqué, d'autant plus que des fois, on dit que les intérêts de l'État passent avant le citoyen. L'homme qui est au centre de toutes les préoccupations, phrase ou ce principe inclut toutes les composantes des droits de l'homme. Donc, l'homme, dans sa nature, il a besoin de respirer, il a besoin de s'épanouir, donc il a besoin de sa liberté et de ce qu'il pense et de mettre en œuvre de ce qu'il pense, en toute liberté, en toute expression. Donc, personne n'a le droit d'être pauvre. Personne n'a le devoir d'être tué. Il a droit de tout ce qui est possible, tout ce qui peut rendre sa vie épanouie. Et de là, son droit devrait commencer là où, devrait se terminer là où le droit de l'autre commence. Donc c'est toute une philosophie, mais qui inclut tout, toutes les composantes. La politique, bien sûr, Si on parle de la politique au Burundi, les gens comprennent certaines, les gens comprennent beaucoup de choses. Mais il n'y a pas aucune mauvaise politique lorsque il met l'homme au centre de ses préoccupations. Je me souviens d'ailleurs lorsqu'il disait que la vie de l'homme, c'est cher. Personne n'a pas le droit d'en priver l'autre. Donc, personne n'a pas le droit d'emprisonner, que ce soit le procureur, que ce soit le... un agent de l'ordre, que ce soit n'importe qui, n'a pas le droit. Mais si sur cet aspect, on peut dire que Feu Melchior Ndadaye était soucieux du respect des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Tout commence par là. Tout commence par là. Donc, si tout le monde est en liberté, tout le monde, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il parle, dans tout ce qu'il fait, là, ça commence... et tous les autres projets. Parce que avant de faire quelque chose, il faut d'abord vivre. Il faut d'abord... voilà. Mais après sa mort, il y a certains qui ont dit que liberté ne signifie pas libertinage. Pour dire que peut-être avec les élections de 1993, finalement, on était un peu... on a débordé de la limite de ce qui pourrait être admissible dans le pays. Bon, effectivement. La liberté ne signifie pas libertinage. Et j'en confonds cela. J'ai dit que la liberté d'une personne doit avoir des limites. Il doit respecter certaines règles de et la cela, société. Il le mentionnait lui-même. Oui, il le mentionnait. Il le mentionnait parce qu'il n'a jamais permis. Il n'a jamais permis personne dans toutes ces propagandes. Donc, il est vrai, moi, je l'ai connu plus tard, mais j'ai suivi, j'ai lu. Et j'ai eu l'occasion de dialoguer avec ceux qui l'ont côtoyé. Et certaines personnes même regrettaient pourquoi les gens n'ont pas quand même pu conserver certains principes qui le caractérisaient à l'époque. Alors, les gens, bien sûr, disent qu'après son assassinat, il y a eu le débordement total, il y a eu des massacres. Et les gens même ont allé plus loin qu'il aurait même préparé cela avant sa mort. Moi, je suis catégoriquement contre de cette propagande anti-nationale. C'était un homme dopé. C'était un homme dopé. Si on peut le dire ainsi. Oui, c'était un homme dopé. C'était un homme qui écoutait. C'était un homme qui devrait comprendre tout le monde. Et cela en témoigne que... Au niveau de la période électorale de 1903, les partis politiques ont préféré 1993 ont préféré voter pour lui. Donc c'est-à-dire que sans cet comportement idéal, il ne pourrait pas rassembler aussi bon nombre de Burundais et de politiciens derrière lui. Mais je voudrais profiter de l'occasion de dire et d'informer de rappeler que les politiciens d'aujourd'hui doivent dépasser certaines choses pour finalement orienter le peuple. Parce que lorsque ils ne tolèrent pas les idées des autres, ils n'écoutent pas, ils croient avoir protégé les intérêts, mais non plus. Il faut que les idées... les systèmes de faire, les méthodologies de faire la politique, soit reflètent réellement l'idéal de rassemblement, l'idéal de comprendre, l'idéal de montrer les gens où sont et où ils vont. Ça pourrait quand même aider pour rassembler les gens autour d'un idéal quelconque. Les gens qui ont connu Melchior Ndadaye disent également que c'était quelqu'un qui n'était pas intéressé par les biens matériels non plus, qui n'était pas un homme facilement à corrompre, mais également, par contre, c'était un grand travailleur. Oui, sûrement. Sûrement, parce que je ne sais pas, je dis personnellement, je n'ai pas côtoyé Ndadaye, mais c'est par... De par les témoignages que j'ai entendus, de par les gens qui ont côtoyé. D'abord, il était au Rwanda. C'était d'abord une personne qui passionnée par la lecture. Il y a même un individu qui aurait côtoyé beaucoup au Rwanda. Il était plus âgé que Ndadaye. Mais Ndadaye venait toujours lui faire des découvertes qu'il aurait trouvées dans la lecture. Mm-hmm. Donc cela lui a aidé de façonner d'une manière concrète, d'une manière absolue, ses idées. Aussi, il a anticipé les événements. C'est d'ailleurs le fait qu'il a quitté le Rwanda, après tout, finalement, il s'est installé au Burundi pour finalement travailler d'une manière très intensive sur son parti et sur l'explication de ses idées. Mm-hmm. Cela, donc, ne peut pas être couronné de succès sans que vous y attachez une importance très remarquable et surtout le travail. Parce que le travail de convaincre dans un système aussi hostile, ça demande une personne qui n'est pas dormeur. Mmh. Donc je peux témoigner qu'il a travaillé, mais aussi qu'il n'était pas aussi corruptible. La seule chose qui devrait corrompre M. Ndadaye, c'était la conviction. Si vous parvenez à lui convaincre, là, il était corrompu. Mais il fallait encore lui expliquer. Oui, expliquer. Et, mmh. c'est parmi les grands de moi, les grands de... ce que je me souviens de lui, de par les gens, il dit qu'il ne faut pas me terroriser, mais il faut me faire convaincre. Ce n'est pas parce que je n'ai pas suivi votre idéologie, vos pratiques, c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de m'expliquer. Mmh. C'est ce que je disais. C'est ce qu'il disait. Et aujourd'hui, on voit toujours des commémorations. La semaine passée, c'était le prince Louis Gwagasore, héros national de l'indépendance. Cette semaine, nous allons commémorer le 23e anniversaire de Melchior Ndadaye, de l'assassinat de Melchior Ndadaye. Et chaque année aussi, timidement, ou on ne sait pas pourquoi, il y a aussi Pierre Ngandoum et toutes ces personnalités sont reconnues par les uns ou les autres comme porteurs de grandes idéologies. Mais on se demande aujourd'hui, est-ce que les jeunes adhèrent ou n'adhèrent pas à ces bonnes idéologies qui pourraient, d'après certains, conduire vers un bon point pour le pays? Bon, je ne suis pas un analyste politicien pour finalement déceler ces grandes idéologies qui l'ont marqué. Mmh. L'idéologie qui m'a beaucoup, que j'ai toujours côtoyé, c'est l'idéologie de le social-démocrate, de Ndadaye. Un peu proche de celui de Pierre Ngandou. Oui, un peu proche. Mais moi, ce que je peux dire à propos de cela, c'est que ces grandes personnalités qui ont marqué cette société, qui ont marqué le Burundi, avait une chose très importante. Et cette chose qui est très importante, elle est précieuse pour les jeunes. S'ils prenaient le temps de relire, de demander, alors quelles sont les grandes idées de ces héros nationaux, ça pourrait aider. Cette fois, nous avons des références. Ndadaye est une référence très récente. Gwagasore, c'est une référence très lointaine qui a travaillé dans le peuple de Koronia. Monsieur Ngandoum aussi. Donc, nous avons vraiment des références qui sont réelles et qui sont adaptées au Burundi, de telle manière qu'on ne peut pas négliger leur passage sur la société burundaise. Mais si vous dites que si les jeunes faisaient ceci, c'est qu'aujourd'hui, vous déceler une certaine lacune au niveau du comportement des jeunes par rapport à ces grandes personnalités. Est-ce qu'ils ont suivi ou pas? Bon, si les jeunes... Bon, si je dis les jeunes, c'est quand même... jeter les torts ou juger pour ces jugements qui seraient inutiles. Mais qu'est-ce qui fait que c'est un peu difficile de suivre tous ces bons exemples de ces grandes personnalités? On peut essayer. Mais le problème, c'est des contextes qui sont en présence. Il y a des jeunes qui ont vraiment suivi et qui sont là, des exemples sont là. Malheureusement, la période de la jeunesse, c'est une période qui soit très petite. De telle manière que les actes pendant la jeunesse qui ont été posés ne sont pas très facilement remarquables. Mais de par le temps, de par les gens qui parlent, il y a des jeunes qui témoignent vraiment qu'ils suivent ces idéologies. Donc, il y a des paramètres. Il y a beaucoup de paramètres qui empêchent certains jeunes de ne pas mettre en œuvre les idéologies qui sont là. Soit ils sont dépassés par les événements, ou soit leur nature corruptible, leur nature, je ne sais pas, peuvent ne pas permettre aux jeunes de mettre en œuvre réellement les idéologies de ces les idéologies de ces juristes, les gens. Est-ce qu'il y a eu des efforts parce qu'il y a ces jeunes qui doivent être accompagnés au niveau de développement mental, développement social, au niveau de l'intégration? Est-ce que ceux qui sont un peu avancés en âge aident ces gens pour qu'ils puissent se retrouver dans ces différentes idéologies de différentes personnalités? D'abord, la première étape pour un jeune, c'est définir là où il doit aller. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'il définit la direction, s'il définit la destination, la direction, il peut être indiqué par ses idées de ces gens qui sont comme nous des références. Donc, ça peut faire intervenir certaines améliorations, mais ça peut aider. La troisième chose, c'est chercher les jeunes qui peuvent adhérer et qui peuvent aller dans la même direction. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Mais voilà, ce n'est pas pour transformer une société. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande une force numérique, une force de l'intelligence, de la patience, parce qu'on ne peut pas naître aujourd'hui. À moins de 5 ans, tu dois transformer une société. Tu dois commencer d'abord là où tu es. Tu dois d'abord transformer toi, soi-même. Alors, tu es transformé, tu dois transformer les autres. C'est de part de vous c'est vous qui doit prêcher par l'exemple. Donc, je ne peux pas aller convaincre quelqu'un alors que moi, je ne suis pas convaincu. Il faut convaincre quelqu'un que tu as des bonnes idées. Tu écoutes, tu comprends, et tu dois, avant de faire comprendre, tu dois comprendre les autres. Ça, c'est la première étape. Et cela manque. Franchement, cela manque pour les jeunes et même sur les adultes. S'ils ne sont pas, les gens qui ne sont pas accomplis, ils souffrent de la violence. C'est la source de la violence. Lorsque je ne comprends quelque chose que je ne comprends pas, je vais vous faire comprendre des choses par la violence. Ça, ce n'est pas bon. Il faut savoir convaincre. Il faut savoir écouter, il faut savoir ce qui préoccupe les autres, il faut savoir les cercles d'influence dans lesquels tu travailles, et tu dois converger, dans tous ces paramètres. Comme ça, lorsque tu as déjà trouvé la destination, c'est possible. C'est possible. C'est pourquoi je dis bien qu'ayant ces références, ces monuments, ces phénomènes qui ont fait que Ndadaye et Wakasoreng et Ndadoumé et tous ces compagnons soient là, il faut prendre leurs références. Ils sont des Burundais, ils sont nés au Burundi, ils ont travaillé dans des conditions très difficiles, il faut s'adapter, il faut travailler, il faut se convaincre, voilà. Alors, c'est vers la fin de cette émission, on peut se demander finalement, qu'est-ce qui fait que ces personnes qui aujourd'hui, ces personnalités qui sont reconnues comme véhiculant des bonnes idéologies ne parviennent pas à accomplir leurs idéologies et les transformer en actes. Ils sont toujours tués. Bon, c'est un problème, franchement, qui a frappé toute l'Afrique. Les grandes personnalités qui ont travaillé pour l'indépendance ont été systématiquement tués. C'est malheureux. Et même ce qui est très malheureux aussi, les organisations politiques qui ont facilité de l'accession à l'indépendance, se sont morcelés en des petits partis groupuscules demandeurs d'emploi. Les jeunes, par conséquent, peuvent dire en Afrique, par exemple, si vous avez des bonnes idées que vous voulez les mettre en exécution, ça sera difficile, peut-être on court la mort. Bon, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Mm-hmm. Oui. Si vous voulez transformer la société, il faut prendre des risques. Si vous ne voulez pas prendre des risques, il faut accepter le statu quo. Donc, si vous acceptez le statu quo, dit je veux partir avec celui qui viendra, ça c'est normal. Donc, tu évites la mort. Mais ce n'est pas certain, ce n'est pas évident. Mais la manière de choses, il faut chercher à transformer la société. Je voudrais dire comme les autres. Et l'affaire. Donc, il faut la transformer de telle manière que vous le quittiez tout en la donnant un autre aspect. Meilleur que... Une meilleure endroit. De telle manière que une personne qui viendra demain dira « Celui-ci a fait cela et cette étape lui a manqué. Il faut que les choses continuent. » Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que certains nationalistes et africains se sont été tués que leurs idéologies sont disparues. Ils ont été mis en place par les autres. L'indépendance a été acquise par Gwagwa Sole, mais le Burundi est toujours indépendant, quels que soient les problèmes d'interprétation ou des choses. Toutefois, le Burundi est indépendant. Ndadaye, il a été tué après 3 mois, mais la démocratie est là. L'armée nationaliste, la police nationaliste. Donc, ce qui reste, ce sont des perfectionnements, bien sûr, qui sont autour de la bonne gouvernance. Mmh. Autour de la bonne gouvernance, autour de le respect mutuel, parce que ça, cela manque. Le respect mutuel, le respect de l'autre, l'acceptation de l'autre. Donc, il y a la recrudescence du refus de la démocratie, ce qui est très mal aujourd'hui, que nous observons aujourd'hui, que les gens parlent. Bon, si vous ne comprenez pas ce que je dis, je te tue. Là, c'est très malheureux. Mmh. Mais... Les grandes choses sont importantes. Mmh. Merci. Justement, si nous reconnaissons les efforts qui ont été fournis par ces personnalités, comment les jeunes d'aujourd'hui peuvent s'inspirer de ces différentes idéologies, de ces personnalités pour parfaire, pour améliorer ou mettre en exécution les idéologies du fait qu'eux-mêmes n'ont pas pu mettre en exécution ce qu'ils pensaient vraiment. Nous avons des facteurs, les jeunes, je dis, ont des facteurs favorisants. Par exemple, ils vivent dans des conditions, dans les mêmes conditions, les conditions de la pauvreté, de la chômage, de le refus de l'autre. La deuxième chose, c'est que il est vrai, il y a des problèmes politiques, de telle manière que maintenant, il est difficile de s'exprimer d'une manière ouverte sur certaines questions. Mais quand même, il y a de l'espace. Il faut profiter. Donc, la troisième chose, il faut comprendre l'autre. Ça commence par là. Donc, il faut que vous voyez un autre comme ton proche, comme celui qui te complète. Mmh. Qu'est-ce que tu n'as pas, l'autre a. Pas l'envisager comme un ennemi. Oui, c'est ça. Il faut voir que l'autre n'est pas un ennemi. Il a une chose qui peut m'aider. C'est là où commence. Mmh. Mais il faut s'ouvrir. Il faut entre eux créer des réseaux. Ils trouveront qu'à un certain moment, ils vont ensemble, mais qu'ils diffèrent au niveau de la stratégie. Donc, peut-être qu'ils ont une même destination, mais ils sont différents. Les stratégies ne sont pas les mêmes. Donc, il faut ce rapprochement. Je me pose une question. Ces leaders, notamment, étaient des membres également des partis politiques. Avec tout ce que nous avons vécu, un jeune peut-être qui voudrait s'inspirer des idéologies de Meki Ondadaye, s'il est hyproniste, peut-être il pourra dire, lui, il était du parti Frodebou, je ne suis pas directement intéressé par ces idéologies. Est-ce que cela aussi ne fait pas que les jeunes ne puissent pas faire l'effort pour lire, pour écouter ceux qui ont côtoyé ces hommes afin de tirer la vérité qui pourrait les aider dans l'avenir? Oui, l'amour de soi. C'est ça, l'amour de soi de certains jeunes. Je suis proniste, je ne peux pas adhérer à aucune autre idéologie. Mm-hmm. Vraiment, c'est faux. Ce que j'ai vu ou ce que j'ai lu, il n'y a pas de mauvaise idéologie. Et si on essaie de voir très, très, très proche, des fois, l'idéologie de Gwagasore, de Dandaye, de Piengenandoumé, ça ne diffère en rien. Oui, c'est ça. Ils prenaient la démocratie. Mm-hmm. Ils prenaient la démocratie, de vivre ensemble, les droits de l'homme. L'égalité. L'égalité, c'est ça. Donc, même si vous essayez d'écouter les discours, surtout de Dandaye et de Gwagasore, ils se rassemblent. Parce qu'il invite les gens, même s'il avait gagné les élections, il invite les gens à s'asseoir ensemble. Que la victoire qu'il venait de décrocher était pour les Burundais. Ça commence par là. Donc c'est ça, ce qui manque, c'est ça. Les discours rassembleurs, les comportements qui incitent les gens à s'approcher. Les actions qui vont dans le sens de rapprocher les gens. Cela manque chez les jeunes. Si cela manque, il n'y aura plus. Ils vont quitter son monde sans qu'il laisse les traces que ces gens ont laissées. Qu'est-ce que vous conseillez à ces jeunes qui voudraient bien s'inspirer de ces personnalités? Comment faudrait-il faire pour, justement, en quelques mots, pour que demain ou après-demain, on puisse avoir des jeunes qui travaillent toujours dans le respect de l'idéologie de Pierre Ndandoumé, de Melchior Ndadaye ou de Gwagasore? D'abord, il prenait une société équitable, une société de démocratie, une société non violente. Il faut que les jeunes, et d'ailleurs, ils soient interpellés parce que par rapport aux autres composants de la société, ce sont les jeunes qui restent à vivre longtemps ici au Burundi. Donc, il faut qu'ils évitent toute action qui va dans le sens, de destruction, qui va dans le sens de multiplier les ennemis, qui va dans le sens de discriminer les gens, qui va dans le sens de violation. Il faut aller dans un contexte, dans le droit chemin du respect mutuel, du respect de la chose publique et de comprendre les autres. La compréhension, l'ouverture. C'est ça ce que je peux conseiller. Les autres choses, aussi, parce qu'on ne peut pas faire une chose que tu ne connais pas, à moins qu'on t'attende. Il faut d'abord s'inspirer des grandes idées de ces gens. S'ils sont toujours en vigueur, il faut aller dans le sens de chercher les autres jeunes, les autres composants de la société qui comprennent mieux et s'asseoir et implémenter des actions d'autodéveloppement et de compréhension et de dépasser les événements certaines de fois parce que les événements aussi importent. Les événements aussi importent. Les gens peuvent voir aujourd'hui, voilà, je ne peux pas mettre en œuvre c'est ça et ça parce que cet événement a fait quoi, c'est intervenu dans certains moments. Mais il faut dépasser les événements, il faut anticiper, il faut chercher les gens, il faut chercher les gens qui peuvent nous aider à la fin de la journée, à la fin de la nuit. Nous allons quand même aller, nous allons réussir. Oui. Je vous remercie. Voilà, c'est la fin de l'émission Forum Jeune. Aujourd'hui, dans cette émission, on parlait de l'idéologie de feu Melchior Ndadaye, président élu démocratiquement en 1993 et assassiné la même année. Ce vendredi, nous allons célébrer le 23e anniversaire de son assassinat. Voilà, au micro, on était avec M. Georges Nikiza, un jeune qui est proche de la politique qui a suivi les idées de Melchior Ndadaye. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup aussi de m'avoir invité. Et je prends cette occasion pour lancer mes condoléances à Sadio Isanganiro de... du président de l'ancien directeur de l'Arche qui a disparu. Merci. Je rappelle à la présentation de cette émission que vous étiez avec moi, Pacifique Chubailo et Metoussin Mitebutse assurer la mise en onde. Continuez à suivre la radio Sanganilo, les émissions continuent.